Maintenant, il y a un mouvement sioniste. Et on a commencé à parler hébreu. Le but du sionisme est de créer pour le peuple juif un foyer en Palestine, garanti par le droit public. Premier épisode, la promesse d'une terre. Théodore Herzl, vu par les Israéliens en 1966. Herzl a été le premier homme qui a changé et a... Herzl était vraiment le prophète d'Israël. Si on peut l'appeler prophète, on l'appellera prophète. Herzl a eu une très grosse influence sur le peuple juif qui se trouvait à l'étranger pour se regrouper sur la terre retrouvée. Dans plusieurs écrits, il a décrit la vie future en Israël, c'est-à-dire la vie collective dans les fermes israéliennes. Herzl est dit comme ça, toute utopie, elle est réalisable. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Ça c'est légendaire d'Herzl, fallait qu'on commence ainsi bien évidemment. Mais l'historien qui est là, qui peut avoir des allures de prophète, peut-être rectifier les choses. C'est Dominique Bourrel, bonjour. Bonjour. Qui partage son temps entre Israël, vous y avez un moment dirigé le centre français du CNRS, et le monde germanique, puisque vous avez travaillé sur Mendelssohn, sur Martin Buber. Voilà des noms d'ailleurs qui signifient dans la mémoire juive la possibilité d'une inscription pour les juifs dans un cadre national, européen, avec la possibilité aussi de créer une œuvre féconde. Oui, vous avez raison, mais c'est un monde d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est un monde qui était riche de promesses, qu'on lit aussi chez Stefan Zweig et d'autres, et qui, malheureusement, aujourd'hui, est un monde plutôt réservé à l'imagination et au plaisir de l'esprit, puisque on sait que on a assisté, comme on dit, à un changement de paradigme, et que, malheureusement, et les textes de Mendelssohn et les textes de Buber, surtout les textes de Buber, sont parfois très datés. Alors Buber qui a fini sa vie en Israël naissant, mais vous parlez de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce premier épisode, nous allons nous situer avant la Première Guerre mondiale et même bien avant. Si on prend la situation en 1880, qu'est-ce que c'est la Palestine qui va peut-être être l'objet d'une demande de beaucoup de juifs d'Europe? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est le bout du monde, c'est un peu d'Empire ottoman, c'est la malaria, c'est le désert. Il y a quelques juifs qui sont devant le mur des Lamentations et la tradition était de venir mourir à Jérusalem, mais c'est un endroit où il y a même pas 1% de juifs et il y a c'est-à-dire surtout combien? Ils sont à peu près 35 000, ouais. C'est-à-dire à peu près 0,50%. On a des problèmes toujours de recensement, comme vous savez, parce que les premiers chiffres qu'on a sont plutôt datent plutôt du début du 20e siècle. Ce qu'on a, c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est ceux des ambassadeurs et des consuls, puisque le territoire de la Palestine est maillé par des consulats européens à partir de 1840. Et là, alors, c'est des Allemands, des Français, des Russes et des Anglais, naturellement. Et là, on a quand même quelques documents un peu fiables. Ces 35 000 juifs forment le vieux Yishuv. C'est ça. Alors, c'est ceux qui sont d'abord ceux qui ont toujours été là. Il y a toujours eu des juifs en Palestine. Il y a toujours eu des juifs, et donc c'est ceux qui étaient là. C'est ceux qui sont venus surtout par le nord, par Saint-Jean d'Acre, parce que là, en réalité, c'est là qu'il y a la vie économique. Et puis les quatre villes secrètes, qui sont, secrètes entre guillemets, en tout cas sacrées, qui sont Jérusalem, Hébron, Tibérias et Safed. Donc ça, c'est les endroits où vous avez des mystiques, où vous avez des gens qui sont là depuis toujours. Et vous qui faites l'histoire de la vie intellectuelle juive, du côté européen, vous distinguez aussi des capitales très différentes, Vienne, Berlin, Prague, Paris, d'une certaine manière, où un journaliste d'origine austro-hongroise, hongroise même précisément, était présent au moment du début de l'affaire Dreyfus. C'est justement le héros légendaire, Théodore Herzl. Je m'appelle Théodore Herzl. Je suis juif. Je suis né en 1860 à Budapest. Je ne me souviens pas d'avoir été malheureux, mes parents étaient de petits bourgeois, ni riches ni pauvres, et ils voulaient faire de leur fils un avocat. À l'école, on s'est moqué de moi parce que j'étais juif. Mais cela ne m'a pas paru avoir d'importance, on riait aussi des Souabes, parce qu'ils étaient lourds, et on se moquait des Tyroliens à cause de leur accent chantant. Quelquefois, mon père nous parlait d'un ancêtre lointain qui avait fui l'Espagne pour échapper à l'Inquisition. Mais cela était tellement vieux, tellement perdu dans la nuit des temps, c'était comme un conte de croque-mitaine qu'on raconte aux enfants pour qu'ils se tiennent tranquilles. Une émission de radio de Maurice Sévenot qui s'appelait « Le siècle en marche ». Je disais qu'il était présent à Paris comme correspondant parlementaire au début de l'affaire Dreyfus et ça a peut-être eu une influence sur sa réflexion quant à l'inscription des Juifs dans le concert des nations européennes. Oui, il y a des bibliothèques entières, bien évidemment, pour savoir à quel moment il s'est vraiment aperçu que, si vous voulez, toutes les idées d'émancipation et d'assimilation étaient des idées qui ne réussiraient pas. C'est-à-dire que, bien qu'il y ait déjà des grands avocats, qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des grands intellectuels, il voyait bien qu'il y avait, à la dernière minute, si je puis dire, une difficulté, puisqu'il est, il a été prêt à un moment à se convertir lui-même, ou à même à convertir une partie des Juifs de Vienne en disant, bon, écoutez, comme ça, ça sera réglé. Donc, c'est clair que très tôt, il a eu l'idée que finalement, ça allait pas marcher, cette émancipation. Et alors, l'affaire Dreyfus n'est arrivée là que comme confirmation, et on a des textes là tout à fait extraordinaires. Il a entendu mort aux Juifs et il a suivi ça de très près, et donc il a basculé, si je puis dire, dans le sionisme. Son idée la plus importante d'ailleurs, avant de parler de la Palestine, c'était l'idée, et que reprendra Buber, que le peuple juif est un seul peuple. Et encore aujourd'hui, c'est ça qui agace les gens, qu'ils soient pour, contre, que c'est le même peuple entre le futur prix Nobel de médecine et le bac plus 15, et puis celui que vous voyez dans les aéroports avec les bouclettes, le caftan, etc. Que c'est les mêmes, qu'on ne peut pas faire une différence vraiment profonde. Et il le répète plusieurs fois dans son livre. Nous sommes un peuple, virgule, un peuple. C'est-à-dire, ça c'est vraiment très important. Un peuple qu'il faut donc juxtaposer aux autres peuples, avec sans doute les mêmes droits, mais d'ailleurs, dans la mosaïque des peuples, s'il y a un peuple en plus, où le mettons ? Oui, là, vous parlez de mosaïque, c'est une très bonne comparaison, parce que à la fin du 19e siècle, il y a un nombre de nationalistes tout à fait extraordinaire. Il suffit de choisir, quoi. Hein. Il y a bien évidemment les Polonais, bien évidemment les Russes, bien évidemment les Ukrainiens, bien évidemment les Juifs, etc. Donc, on se dit finalement, eux, ils ont une nationalité, nous aussi. On a un texte fondateur, on a un pays dans lequel on n'y est plus depuis longtemps, on a été chassé, etc. Mais il est là, on a une langue, n'oublions pas, Herzl savait presque pas l'hébreu, pas du tout même, mais à ce moment-là, on commence déjà à redécouvrir l'hébreu, et donc, très tôt, on s'est dit, la partie de ce pays, ça doit être la Palestine, puisqu'elle est dans les prières. Un juif prie une ou deux fois par jour pour le retour de la Palestine. Oui, mais là, je vous arrête, parce qu'il y a beaucoup de débats historiographiques, Uri Eisenzweig, le sionisme fut un humanisme, explique que, pour Herzl, l'important c'est le champ du départ, plus que le retour. L'important c'est le territoire anticipé. Et si on ne revient pas à la terre promise, peut-être peut-on aller ailleurs. Oui, il y en avait même qui avaient dit, on est prêt à prendre une grotte, vous nous mettez quelque part, vous savez qu'il y a tous ces tentatives formidables à Madagascar et dans tous ces endroits-là pour mettre les Juifs. Mais très tôt quand même, puisque Herzl meurt en 1904, hein, il a claqué la dot de sa femme dans le mouvement sioniste, et très vite, si vous voulez, compte tenu d'ailleurs du nationalisme et de l'antisémitisme qui renaissait à la fin de l'Allemagne, à la fin du 19e allemand, très vite, l'endroit a été réglé en direction de la Palestine. Mais vous avez raison, il y avait des tas de gens, y compris juifs, le baron de Hirsch, même la famille Rothschild, voulaient pas qu'on parle trop de cela, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient avoir des difficultés. Pas d'ailleurs tellement avec la population locale, mais avec les Anglais, qui ne voulaient pas entendre parler de quelqu'un qui pourrait les empêcher d'avoir leur commerce avec les mais Indes, mais qu'est-ce etc. qu'ils font les Anglais en Palestine ? Alors les Anglais, c'est la route à cette des hauteur-là, hein, c'est 1880, c'est là, ils sont déjà en commerce et ils sont déjà un peu partout dans le Moyen-Orient et surtout en Extrême-Orient, et ils veulent pas qu'on les empêche de passer. Le deuxième qui fait la concurrence, c'est les Allemands, c'est le Bagdad Ban, c'est les Allemands qui eux aussi veulent avoir une place au soleil, et du coup l'Allemagne a été à deux doigts d'ailleurs de prendre le sionisme sous sa protection. On a des photos formidables de Herzl qui va voir le Kaiser, qui rencontre à Jérusalem, et Herzl lui dit, mais écoutez, d'abord nous on va régler la dette de l'homme malade des Ottomans, l'homme et puis malade de l'Europe, voilà, et puis on a des médecins, des profs, des banques, et donc ça ira très bien. Il faut dire que Herzl rencontre qui veut bien le recevoir, hein, le Kaiser à Berlin, vous l'avez dit, le sultan à Istanbul, le pape. Absolument. Bah, le pape était pas content. Enfin, le pape a dit, écoutez, non, c'est les lieux saints, et donc il est pas possible de pouvoir vous aider. Un festival à Vézelay, notamment, mais aussi à l'Université de la Sorbonne, à l'Amphi Guizot, les voix de la cité sainte, Jérusalem, et notamment une œuvre d'Arvo Pärt, ressortissant des pays baltes. On aura l'occasion de parler ensuite d'un voyage de Herzl à Vilnius. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Les premiers sionistes avec Dominique Bourrel. Dominique Bourrel a publié chez Albin Michel un livre sur Martin Buber qui a beaucoup fréquenté Herzl. On aura l'occasion d'y revenir. Et a patronné aussi l'encyclopédie des textes fondamentaux du sionisme qu'a édité Denis Charbit. Alors nous sommes en 1903, si vous le voulez bien maintenant, Dominique Bourrel. L'émigration vers la Terre Sainte, elle vient surtout de Russie. Ce qu'on appelle la zone de résidence, là où les Juifs sont admis et souvent persécutés. Et ça, ça avait été bricolé par Catherine II, qu'on appelle Catherine la Grande, et qui voulait pas les voir partout, et donc qui avait fait une espèce de territoire où, à part quand vous étiez des barons de Günzbourg ou des gens comme ça, vous n'avez pas le droit d'être là. Mais c'est surtout au moment de l'assassinat du tsar en 81 que, comme toujours, il y a eu des pogroms. Mais alors à ce moment-là, la situation a été insupportable. Et justement, ces intellectuels allemands se sont mis à dire d'abord qu'est-ce qu'on va faire de ces Juifs russes, quoi, qui commençaient à arriver à Vienne et à Berlin, et qui commençaient à créer un certain malaise par rapport au judaïsme très assimilé, au judaïsme. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce terreau-là, naît aussi, simplement, si je puis dire, une solution presque pratique, quoi, en disant, on va les mettre là-bas, et comme ça, ça sera plus facile, et surtout, ils vont pouvoir fuir les pogroms. Herzl, qui pratique le sionisme diplomatique, il va voir le ministre de l'Intérieur russe, qui est quand même de sinistre réputation. Tout à fait, c'est une histoire absolument formidable, parce que d'abord, on lui en a beaucoup voulu quand même, mais il a surtout découvert, justement, la qualité et l'importance de ce peuple juif en Russie. Et c'est là où il s'est dit, on ne peut pas les laisser comme ça. Et donc, cette idée d'un peuple, vous comprenez, c'est quelqu'un qui arrive de la grande bourgeoisie de Vienne et qui se retrouve avec des centaines de milliers de gens qui l'attendent à la gare. Dans les pays baltes, justement, à Vilnius, on parlait d'Arvo Pärt, estonien. Lui et les juifs misérables de Vilnius l'acclament. Vive le roi. Voilà, c'est ça. En plus, on le surnomme le roi de Sion. Il avait d'ailleurs une tête absolument formidable, hein, de roi, une belle barbe noire comme ça, et ça explique d'ailleurs beaucoup la réussite des premiers congressionnistes. Alors racontez les congressionnistes auxquels un de vos héros, Martin Buber, jeune intellectuel, assiste. Barbe assyrienne et profil de prophète de Herzl, et c'est lui qui commence congrès. Absolument. Alors c'est donc le livre fondateur date de 1896. Oui, on n'a pas cité l'État des Juifs. Voilà. Et le premier congrès, 97, qui devait d'ailleurs se tenir en Allemagne, et les Juifs allemands n'ont pas voulu de ça, donc il s'est tenu à Bâle. Et donc, alors après, c'est la bureaucratisation, les commissions, les gens qui commencent à râler. Tout ça se passe en allemand, bien évidemment. Il y en a trois ou quatre qui savent l'hébreu, mais sinon tout ça se passe en allemand. Et ces congrès sionistes vont fondé dans tous les pays du monde, d'ailleurs, des petites cellules sionistes qui, tous les ans, tous les deux ans, et ensuite, tous les quatre ans, vont se reconnaître. Vous décrivez le maillage, mais il faut décrire aussi les accros. Le dernier congrès auquel il participe, après le voyage en Russie et dans les pays baltes, s'ouvre, comme d'habitude, par un discours qui est très applaudi. Et puis, au bout d'un moment, comme dans beaucoup d'autres congrès, il y a la moitié de la salle qui se lève et qui dit son désaccord. Notamment autour de la possibilité d'un établissement en Ouganda. Oui, c'est une vraie société de géographie, le sionisme. Ils ont pensé à Chypre, Madagascar, la Mésopotamie, Madagascar, le Mozambique, et l'Argentine, et l'Ouganda sur proposition anglaise. Alors ce congrès de 1903... Bon, c'est la catastrophe, les gens hurlent, les gens se cassent la figure entre eux, au nom même de l'Ouganda, c'est une catastrophe. Et voici le récit qu'en fait, d'après ses souvenirs, Yaakov Tsour, qui fut ambassadeur d'Israël plus tard en France. Quand le gouvernement britannique avait proposé à l'organisation sioniste, au lieu de la Palestine, qui paraissait en ce moment-là, en ce temps-là, inaccessible, on avait proposé un État juif, n'est-ce pas, une colonisation juive plutôt, dans l'Ouganda. Or, l'Ouganda d'alors, c'est le Kenya d'aujourd'hui. Comme Herzl était désespéré, 1903, c'était les terribles pogroms de Kishinev en Bessarabie. Alors, Herzl s'est dit, bon, acceptons cela. Au moins, on nous offre quelque chose. Mais alors, la grande majorité des sionistes n'en a pas voulu. Oui. Malgré Herzl. Et au congrès sioniste qui a eu lieu alors à Bâle, presque la moitié du congrès a quitté le congrès en déclarant « Jamais nous n'échangerons la Palestine pour un autre territoire, quel qu'il soit. » Mais qu'est-ce qui avait pris à Herzl de considérer comme sérieux le compromis que proposaient les Britanniques en Ouganda? Non, mais parce qu'ils pensaient que c'était une voie d'accès, enfin pas physiquement, mais qu'une fois qu'ils auraient une partie de l'Ouganda, qu'on allait pouvoir être en stand-by pour aller en Palestine. Et puis Herzl est beaucoup moins une personnalité religieuse que tous ces gens-là. Donc pour lui, si la Palestine marche pas, on va prendre quelque chose, faute de mieux en tout cas. Ça a été pendant très longtemps la position de Ben-Gourion aussi dans les années 20, dans les années 30, en disant on prend ce qu'on nous donne, et puis après, c'est à nous de faire le travail. Terre anticipée autant que terre promise, c'est dans ces années-là que paraît un livre que Denis Charbit, toujours lui, a réédité récemment. Voilà, c'est un roman utopique de Theodor Herzl en 1903 et où il décrit quand même justement comment pourrait être un pays comme ça, alors avec la technologie avancée, des ambassadeurs partout, c'est tout à fait extraordinaire. C'est quelqu'un qui tout d'un coup s'est dit que le monde moderne allait pouvoir assister à l'éclosion du sionisme et allait aider le sionisme à devenir autre chose qu'une prière. Et je crois que ça, c'était assez profond. Et beaucoup de gens pensaient d'ailleurs qu'il suffirait de faire une espèce de d'avoir une espèce de sionisme spirituel, de sionisme culturel, qui aurait une espèce de Vatican, quoi. C'est-à-dire qu'on mettrait les gens qui ont subi les pogroms, on mettrait une bibliothèque, quelques rabbins et les gens qui voulaient rester là, et puis c'était tout. Comme ça, il y avait toujours une possibilité de recours, mais jamais, en tout cas, avant la déclaration Balfour, dans ces textes-là, on découvre quelque chose de plus grand, de plus formé, etc. Herzl meurt, peu après le congrès, très prématurément. Il va être remplacé par... D'abord, il est remplacé par un homme de Cologne qui s'appelle Wolfson. Et puis ensuite, la grande personnalité qui n'a pas été tout de suite dans ces histoires-là, c'est Weizmann. Alors Chaim Weizmann, qui est vraiment le grand seigneur, c'est le premier président de l'État d'Israël, c'est le grand seigneur du sionisme, Weizmann vient de la Russie, et lui est arrivé d'ailleurs dans ces congrès dont vous parlez, à se mettre un peu tout le monde dans sa poche, entre guillemets, pour essayer de faire avancer la cause. Grand seigneur, dites-vous, Yaakov Tsour, de nouveau, pas exactement le même point de vue. En ce temps-là, Weizmann, il avait une seule idée, c'est de gagner du temps. De gagner du temps et de gagner des forces, c'est-à-dire encore des juifs en Palestine, de nouveaux villages, de nouveaux quartiers, de nouvelles villes, devenir une force économique en Palestine, et entre-temps même plier les Chines, mais pas entrer en conflit avec les Anglais autant que possible. Il était en opposition à Herzl, notamment sur l'affaire Ouganda, mais aussi il demandait depuis le début qu'on pose l'accent sur le travail pratique en Israël, tandis que Herzl voyait surtout le contact diplomatique. Oui. Et c'était là le conflit entre les deux. Et alors Weizmann disait, qu'est-ce que vous voulez? Il l'a dit dans un de ses discours, et Herzl était un aigle. Il planait sur la réalité juive. il les voyait à vol d'oiseau. Moi, j'étais un poulet qui marche dans la basse-cour juive. Un extrait de la belle série d'André Voisin, Les Conteurs, pas un grand seigneur, un poulet de basse-cour. Non, mais ça veut dire simplement que c'est lui qui faisait le boulot, quoi. Alors que Herzl, vous l'avez dit, était mort en 1904. Comment on allait faire pour pouvoir continuer? En plus, Weizmann, qui venait de Russie, était professeur dans une université à Manchester, était chimiste et biologique. Donc, il savait très bien que c'était la politique des petits pas et la politique des petits pas en politique. Et il a eu raison, puisque c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a extorqué cette déclaration Balfour. L'déclaration Balfour, elle a été faite sur instigation et avec une espèce de militantisme absolument inlassable de Weizmann. J'ajoute simplement, là, l'ambassadeur Tsour a raison, mais c'est un vrai débat. Weizmann, Buber et tous ces jeunes loups que Herzl aimait bien, que Herzl avait un peu poussé d'ailleurs, parce qu'il voyait bien que tous ces jeunes gens allaient être l'avenir du peuple juif, étaient quand même beaucoup d'abord pour un sionisme intellectuel, spirituel, culturel, humaniste, et pas un chauvinisme, et qu'il s'agissait pas de mettre les Arabes dehors et de prendre son pays comme une autre colonie. Vous savez, le débat, c'est que c'est pas du colonialisme comme les autres colonies. L'autre colonie, c'est, et les Français savent bien de quoi on parle, c'est-à-dire de rentrer quelque part et de faire de l'argent et d'exploiter les gens. Là, c'était simplement, pour cette génération-là, le retour dans un endroit dont ils avaient été expulsés au premier siècle de l'ère vulgaire. Le sionisme fut un humanisme avant que la question arabe ne soit découverte dans son entièreté, beaucoup plus tard, dans les premières décennies du XXe siècle, par le mouvement. Il parle en quelle langue, Weizmann? Il est polyglotte, lui. Oui, il est assez yiddish aussi. Absolument, mais il parle très bien le russe, il parle un allemand absolument impeccable, un français encore meilleur. Ils ont fait une partie, les bureaux du sionisme avec Buber étaient à Genève, et donc il y a des lettres qui sont rédigées en français. Dites-moi, Dominique Borel, le nouveau Yishuv, parce qu'il y a une deuxième vague d'immigration, parle beaucoup le russe. Oui, il parle le russe et puis ensuite le polonais, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc les différentes montées en Israël, alia, aliot au pluriel, et notamment la deuxième, celle de Ben Gourion. Là, c'est effectivement des gens qui parlent russe, mais c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont des athées. C'est des gens qui vont... Alors, pourquoi employez-vous le mot alia? Parce que, alors ça, c'est tout. Parce qu'il y a des alias aujourd'hui. Justement. Mais l'alias d'aujourd'hui ne recouvre-t-elle pas de son nombre le mouvement tel qu'il fut réellement de persécuter de Russie qui cherchait un refuge? Ça, c'est un des mystères, justement. C'est que c'est le seul endroit, au lieu de dire qu'un Allemand, quand il vient à Berlin, il va monter à Berlin, ou un Français, il va monter à Paris. Personne ne dirait ça. Mais pour Jérusalem, tout de suite, dès 1880, ça s'est appelé alias, c'est-à-dire monter en Terre Sainte. Donc, vous voyez, on a immédiatement le choc entre le symbolisme, la théologie et la politique. Mais on emploie le mot Eretz Israël absolument, à l'époque. Absolument, tout à fait. Absolument. Parce que la Palestine est un concept d'ailleurs qui est assez ancien et on a parlé de Palestine mandataire, mais très tôt dans les textes des sionistes, on emploie Eretz Israël. Mais alors ça laisse supposer qu'il y a toujours eu une tradition souterraine, mystique. Et oui, puisqu'on revient chez soi. Autour de bien Eretz évidemment. Israël. D'abord, et on le revient... sionisme, c'est quand même quelque chose, c'est une colère contemporaine. Tout à fait, mais prenez l'exemple par exemple des fameux disciples de Shabbatai Sevi, tous ces juifs du XVIIe siècle qui ont cru que le Messie était déjà arrivé ou allait arriver, il fallait revenir, ou ça, en Eretz Israël. Et une grande partie de la théologie chrétienne, les fameux évangélistes que vous entendez aujourd'hui qui payent beaucoup pour Monsieur Netanyahou, eh bien c'est aussi cette théologie du retour à Sion et du retour en Israël. Oui, mais c'est une terre sainte, mais c'est une terre salvatrice par le travail, surtout par le labeur des hommes, par la sueur des pieds sur la terre. C'est pas la sédimentation des morts qui compte seulement, c'est le travail des vivants rassemblés. Alors ce travail des vivants, il a commencé après la sédimentation des morts, justement. La Palestine en 1914. Quand la guerre éclata en 1914, la nouvelle colonisation juive pouvait faire le bilan des trois dernières décades. 43 colonies agricoles avaient été établies, toutes s'administrant elles-mêmes avec une population de 12 000 âmes et une superficie de 100 000 acres. La production annuelle comprenait 90% de la récolte de vin du pays, 30% de la production des oranges, et les Juifs étaient pour moitié dans les exportations de Jaffa. Dans les villes également, la population juive s'était développée. À Jérusalem, les Juifs formaient la majorité. Leur population était passée de 14 000 en 1881 à 45 000 en 1913. En tout, au début de la guerre, les Juifs de Palestine étaient au nombre de 85 000, dont la moitié étaient de nouveaux colons. Dans aucun autre pays, le pourcentage des Juifs dans l'agriculture n'était aussi élevé. La Palestine avait fait la preuve que les Juifs d'Europe, habitant les villes, pouvaient redevenir des paysans et qu'ils étaient à même d'édifier une vie de communauté. Oui, ça c'est la représentation qu'en 1946, l'agence juive donne pour justifier la création qui va suivre de l'État d'Israël. Mais en 1914, ce sont des pauvres pionniers. Absolument, c'est des gens qui se bagarrent contre la malaria, c'est des gens qui parfois vont faire une partie de leurs études ailleurs, parce que naturellement il n'y a pas encore l'université hébraïque qui va pourtant être créée après la Première Guerre mondiale et ouverte en 25, et c'est surtout des gens qui d'ailleurs vont se mettre plutôt à Tel Aviv. Tel Aviv c'était l'opposé de Jérusalem, c'était sur la mer, c'était sur le monde moderne, c'était le commerce, la politique, alors que Jérusalem avait des aspects de ghetto que justement cette génération-là voulait abandonner. Quant à cette carte postale du philosophe juive, paysan, 46. Et puis le philosophe paysan, élève d'Alet Gordon, etc., c'est la mythologie des kibbutz qui est déjà là. Je crois que le premier kibbutz, c'est 1909, année de la création de la ville de Tel Aviv. Puisque avant, à Tel Aviv, il y avait une colonie allemande, qui était des protestants de Stuttgart, et qui étaient venus là, et qui étaient, c'était eux, le monde moderne, qui étaient venus avant les sionistes, bien évidemment. La première guerre va avoir une importance décisive avec cette déclaration Balfour, sur laquelle nous allons conclure et que vous nous rappelez, Dominique Borel. Alors la déclaration Balfour, elle est de novembre 1917, d'ailleurs à peu de choses près de une semaine avant la fin de la révolution bolchévique. C'est l'idée de promettre aux Juifs, non pas un État, mais un home pour les Juifs qui sont persécutés dans le monde. Et que donc l'idée c'est de créer une espèce de noyau, avec ensuite, les frontières n'arriveront que dans les années 20-21, la politique des mandats. Et avec nous, on a eu le Liban, les Français ont eu le Liban. Encore une fois, c'est les Anglais qui se sont partagés des terres qui leur appartenaient pas. C'est toujours ça le problème. Et donc, cette déclaration Balfour a été effectivement un prodrome absolument extraordinaire. On a commencé à enseigner en hébreu, on a commencé à avoir des journaux dans cette langue. Il y a eu une espèce de shadow cabinet, si je puis dire, qui a commencé de travailler à ce moment-là. On a proposé dans les années 20 de faire la même chose pour les Arabes, et les Arabes ont refusé, parce que justement ils ne reconnaissaient pas cette déclaration Balfour. Ils se sont dit, si on négocie avec eux, ça veut dire qu'on reconnaît cette déclaration Balfour, et qui est absolument scandaleuse. Il faut ajouter quand même que les Juifs ne font toujours qu'à peine 1 ou 2 petits pourcents. À Jérusalem, il a tout à fait raison, c'est la majorité, mais pas dans le pays. Dans le pays, il y a toujours beaucoup plus d'Arabes, et on oublie toujours musulmans et chrétiens. Merci à vous Dominique Borel. Alors je rappelle cette encyclopédie des sionismes de Denis Charbit et puis vos livres, notamment le Martin Buber, très lié à cette polémique sur le sionisme débutant. C'est un livre qui est paru aux éditions Albin Michel. L'équipe de la Marge de l'Histoire, Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Deculesco, Aurore Juvenel, la technique Michel Bézikian et à la réalisation Audrey Ripouille.